20, observation, talking about health. Je vais bien. Je vais mal. Je ne vais pas bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas fort. Ça ne va pas. Ça va. Ça va bien. Je suis fatigué. Je suis malade. Elle est fatiguée. Il est malade.